casser le micro, Nicole. Tu m'entends là ? Ouais, salut Nicole. Écoute, ouais, j'ai besoin de t'entendre pour savoir un peu ce qui se passe. Déjà, est-ce que mon son est...